je suis avec Dieu. Ça, lui me parlait de la Bible, il parle de la Bible. Mmh, ça t'a endormi. Puisque, en tant que conseiller spirituel, tu vois, il est censé. Non, comme il a mis son profil sur Facebook, il est conseiller spirituel. Tu as compris que conseiller spirituel, ça dit qu'il va te bien te conseiller. Il est dans plusieurs choses. Tu vois, plusieurs. Quand tu regardes, son, dans plusieurs choses. Il n'a pas demandé que, il n'a pas dit que tu dois le payer avec le travail qu'il te fait. Lui ne m'a jamais demandé même ça. Il disait donc quoi? Lui m'a dit qu'il veut qu'il soit sa femme. Il soit du deux mois. Tu vas payer plutôt en nature. Que lui et moi on est les enfants ensemble, qu'il veut faire sa vie avec moi. Il a commencé que il m'appelle, il me dit viens quand il part pour rentrer. Il soit il fait ses esprits. Comme là où il est là-bas, il a les choses, les appareils, tout. Il fait ses esprits, soit il paye l'esprit. Il faut que tu laisses rester à la que maison. Que tu restes là. Tu ne sortes pas. Comme il a son frère jumeau, ils sont identiques. Et quand tu quand il te dit quand tu lui dis que tu es avec quelqu'un et que tu as des enfants, tu as laissé ses enfants à la maison avant de venir, qu'est-ce qu'il dit? Que tu vas faire quoi de ces enfants là avec celui-là? Non, c'est comme le lui me dit toujours, quand il me parle, il me dit toujours qu'il ne faut pas mépriser le papa de tes enfants. Que même s'il faut peut-être que vous séparez, que je ne te conseille pas de te séparer de lui brusquement. Donc, en tout cas, il va te donner une portion, tu vas faire, vous asseoir, c'est séparé quoi. C'est ça, non? Que ça soit doux. Que ne faut pas que c'est le papa de tes enfants. Donc, selon ses conseils, il te dit qu'il faut être soumise, il faut être humble et tout ça. Mais quand il parle, il me dit que je suis amoureuse de toi, que je veux faire ma vie avec toi. Tu vois? Il te fait. Il t'embrouille. Non! Il te montre aussi de son côté qu'il est une bonne personne. Que c'est quelqu'un qui peut aussi être bien. Que si vous êtes ensemble, il sera. Mais qu'est-ce que t'as forcé à le refuser? Pourquoi tu refuses sa proposition? Pourtant, parce qu'il cherche son argent pour aller quelque part et t'amener quelque part. Non, c'est parce qu'il est dans. Il regarde ces choses-là, c'est compliqué. Ces choses sont compliquées. C'est compliqué. C'est comme quand il avait commencé à me dire que. Il avait insisté jusqu'à me dire que. Quand tu restes comme ça, tu entends pour dans le ventre, c'est la sauterelle. Que dans sa famille, il y a des sorciers. Que c'est ça qu'on a lancé. Bon, en fin de compte, pour ton propre travail, il a dit que c'est à quel état? Pour mon travail. Puisqu'il t'a blindé, il t'a donné les choses, il a dit maintenant que c'est bon, que quelqu'un peut t'attaquer. Ceux qui vont t'en faire, là vont mourir un à un. Quel est le résultat? Pour mon travail. Il m'avait placé devant le miroir, il disait que les choses là sont déjà finies, mais il me disait que bon, il faut encore l'appel de lavage même, tout ça, pour que les ondes négatives que ça a laissé dans ma vie. les résidus qui nous donnent vrai, il faut encore le lavage. Il faut toujours continuer à faire des lavages, tout ça. Pour que tout ça, pour que donc, les portes s'ouvrent même. Que toutes les portes s'ouvrent. Tout ça. Et il va falloir comme ça, combien de lavages encore avant que ça s'ouvre. Il a dit qu'il faut combien de lavages avant que ça s'ouvre. Non, il ne m'a pas dit. Donc il devait se monter à t'entretenir comme ça chaque fois. Il m'a fait une proposition avant que. Il m'a fait une proposition dernièrement. Il me dit que. Il m'a demandé que. Si, comme je lui ai dit que je ne veux pas être. Il me disait que non, il a mouru, que non, je ne veux pas être avec le papa de mes enfants. Il me dit que si je t'envoie quelqu'un de très riche dans la vie, avec qui tu. Il va te donner tout ce que. Donc tu vas faire le site que tu auras l'argent à tes pieds comme ça, que tu te réveilles, tu. Quand tu te lèves le matin comme ça, tu vois l'argent comme ça, les paquets d'argent, tout. Il dit qu'il t'envoie ce genre de personnes. En tout cas, il dit qu'il t'aime. Qu'il a non, consulté. Non, quand il a dit que je ne veux plus. Que je ne veux pas. Je ne veux pas être avec lui, tout ça. J'aime le papa de nos enfants. Je lui ai dit que non, moi j'aime le papa. Il me dit que et tu penses que celui-là peut te donner quoi dans la vie? Qu'avec ce qu'il a là, que si d'abord, que s'il n'enlève pas ça, il restera dans la misère et la pauvreté, qu'il ne va pas aller loin dans sa vie. C'est ça que lui, il m'a dit. Tu vois. Et il me dit qu'il faut être avec quelqu'un

Et tu, il a appris au Bénin. Il a appris au Bénin. Et quand il dit l'eau du vaudou, ça, que le vaudou ne te fait même pas déjà peur. Hein? Moi, je ne sais même pas là où j'ai dit c'est le vaudou. Tu sais pas ce que c'est que le vaudou. Après, tu vas faire la recherche. Après ta délivrance, tu vas faire la recherche sur le vaudou, d'accord? Pour que tu saches de quoi il est question. Mais par-dessus tout cela, tu vas devoir passer le temps maintenant dans la lecture de la Bible. Tu vas maintenant prier. Aujourd'hui, pendant que tu participes aussi avec les anciens, tu as suivi comment on appelle la prière, ce qu'il faut prier. On ne prie pas n'importe comment. Donc, tu as besoin de l'apprentissage. Si tu as n'importe quoi, si tu as besoin de n'importe quel contact, tu lui demandes. Il va te montrer comment il faut faire et comment il faut faire, d'accord? Voilà. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qu'ils sont sur Facebook avant de comprendre, de faire toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il faut faire avec le Facebook? Facebook. Comme j'aime d'abord oublier mon mot de passe de Facebook, là, je suis obligé de recréer un autre Facebook. Et les gens qui sont sur Facebook et que tout le monde les contacte, ils ne savent pas, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les gens aussi qui sont sur Facebook, parce que c'est sur Facebook que ça a commencé. Non. Quel conseil peux-tu donner aux gens? Non, quel conseil toi tu peux donner aux gens qui sont sur Facebook, donc? Les gens, ils sont comme si tu leur donnes tes conseils. Quand quelqu'un cherche son avenir, il peut pas. Les gens, comme Marie, le diable, quand ils voient que non, ça peut donner, lui, pas seulement. Il s'en fout. Donc, on les laisse comme ça, on ne les conseille pas, quoi. On les conseille pas. Elle a dit qu'on laisse tout le monde, on ne les conseille pas. Chacun a sa vie. S'il veut servir le diable, il serve le diable. Parce que tu vas même conseiller. Tu vas te rester là comme ça, là. Tu vas. Il m'a dit ceci, il m'a dit que quand il a commencé à me dire que la sauterelle dans le monde, je lui ai dit que il me dit que je lui ai donc je lui ai demandé que tu as fait comment pour voir. Il me dit que. Il a dit que le père de ton enfant a la sauterelle dans le ventre. Il a une sauterelle dans le ventre. Et toi, tu lui poses la question, comment tu as fait pour savoir? Oui, qu'est-ce qu'il dit? Il me dit que qu'il a vu qu'elle était venue à la maison. Il est venu chez toi sans que tu ne saches. Il est venu chez toi spirituellement sans que tu ne saches. Il me dit qu'il a vu. Il me dit que c'est quand elle m'a dit, il me dit que jusqu'à elle est venue chez toi qui était couché au salon. Il dit que non, c'était le papa de mes enfants. Tu étais surpris. Maintenant tu ne parles pas. Non, je voyais donc je me suis réveillé donc je voyais. Mais moi je me disais que c'était. C'est quand il m'a dit ça. Mais il m'avait déjà préparé. Attends d'abord l'avion. Attends l'avion, la passe. Donc, il t'a préparé qu'il va venir à la maison. Non, il m'avait à préparer. Et si peut-être je suis assise dans un bar, non? Qu'il vient, peut-être je suis la seule petite. Je suis la seule. Il va faire de temps en temps que c'est toi seul qui dois le voir. Les autres ne voient pas. Oui. Que ça ne me surprenne pas. Oui. Ok, il t'avait dit ça. Et là, maintenant, dis-nous la situation dans la maison. Il est venu. C'était quand vous étiez couché? Moi, j'étais profondeur. J'étais levé les 2h du matin. 2h du matin, oui. Après, c'est me dit que si je doute, que je prenne mon doigt, si je mets ça par la nuit de Christ. Avec ses yeux, il va voir. Bon, je dis, dans la maison. Peut-être il croira. Oui. Bon, je pose la question que je pose, c'est ceci. Maintenant, tu es couché à la maison à 2h. Tu rêvais comme s'il était là. Qu'est-ce que tu as vu dans le rêve? Explique, on peut voir. Non, l'autre là, c'est un rêve que j'avais juste rêvé. Ne pas rêver. Oui, mais comment tu savais alors qu'il... Non, je me suis réveillé. Oui. Puisque l'enfant pleurait. Oui, à ces 2 heures là. Oui. Oui. Je me suis réveillé, j'ai vu je peux dire que le visage. Oui. Tu vois. Tu as vu son visage debout? Non. Comment? Comme s'il était assis. Oui. Donc le... Le torse d'en haut. Je refermais, c'était comme si on me pressait le corps. J'ouvrais non les yeux, oui. On me pressait. Oui. Tu vois. Oui. Donc finalement, c'est pas quand tu dormais, c'est quand l'enfant pleurait, tu t'es levé et tu l'as vu là-bas, aperçu sur la chaise, il vous regardait. Et avant ça, il me dit ceci. Il me dit que ça, c'est de quelque chose. Il me dit que le papa de tes enfants cherche à te tuer. C'est un jour. Quand il a su que j'ai 20 ans par rapport à l'histoire, il me dit que le papa de tes enfants, il cherche à te tuer. Je reste comme ça, comment ça m'arrive. Tu vois. Il me dit que quand tu dors, il faut prier avant de dormir. C'est le marabout qui dit comme ça. Que tu pries pour que Dieu te protège quand tu ne te tue pas. Mais en détail, il a dit que c'est pour te dire. Qu'il me raconte là. Mmh. J'ai parlé, j'avais parlé de ça à. Mmh. Le père de ton enfant, non? Mmh. Et donc, il dit son, ton, le père de ton enfant avec qui tu habites veut te tuer. J'ai... Donc, j'ai vu ça, je suis restée. J'ai dormi. Il passe par là la douche, comme mmh. la porte de la douche et la chambre, il passe. Mmh. Ça, c'est dans le songe. Je vois avec les yeux. Mmh. Il passe, il revient, il repasse. Quand il passe, il regarde dans la chambre. Oui. Il repart. Donc, il a fait deux tours à mmh. la douche. Mmh. En même temps, il, comme le monde ne dort pas, mmh. dans la même nuit, il dort de son côté. Mmh. Après ça, c'est le même qui revient. Mmh. Il éteint mmh. la lumière de la chambre. Mmh. Il repart. Mmh. La nuit, je sens comme si quelqu'un prenait l'oreille, appuyait mmh. ma tête pour m'étouffer. Mmh. Tu vois, il commence à dire dans mon cœur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je pousse avec le pied, je sens la présence de la personne. Mmh. Mmh. Attends, ça c'est avant que le marabout ne te dise ça ou bien c'est après? C'est quand il m'avait dit mmh, qu'il veut te tuer, mmh. que Christian veut te tuer. Mais okay. Je reste comme ça là, dans l'oreille. Mmh. Je reste. Je me suis réveillée. Brusquement. Oui. Mmh. Est-ce que tu l'as vu? Comment ça dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça t'a lâché. Oui. En poussant, j'ai senti comme si quelqu'un sortait de la chambre. Mmh. Je me suis levée, j'ai allumé. Mmh. Tu vois. Oui. Il a allongé sur le lit, il est éveillé, mmh. mais avec le grain mmh. au corps. Je vois le... Sur son lit de l'autre côté, là où il est en train de dormir, là où il dort. Mmh. Mmh. Je vois l'oreille, le machin petit, machin pouf du canapé. Mmh. Je vois ça partait dans la chambre. Mmh. Je reste comme ça, je dis que non. Ça, ce n'est pas le rêve, ça c'est la réalité la que réalité. J'aime. Mmh. Vécu. Mmh. Je commence... Après, je lui ai même parlé de ça. Donc, non. Il est resté comme ça, il m'a regardé, il n'a rien dit. Mm-hmm. Même parlé, il n'a pas parlé. Mm-hmm. Là, c'est mon dit, dans tes vapes, là, c'est ton problème là-bas. Je suis resté comme ça, il dit non. À ton avis, c'est quoi? Est-ce que c'est lui qui voulait faire ça? Je ne sais pas. Mm-hmm. Dans l'autre là, comme il y avait la lumière éteinte, mm-hmm. donc je ne peux pas. Mm-hmm. Tu penses qu'il peut te faire ça? Mmh. Et tu penses que c'est le père de ton enfant, s'il veut te tuer, c'est que c'est seulement ça qu'il va faire. C'est que si tu le bats, il va faire comme ça là. Je me suis posé la question après. C'est après ça que j'ai senti que non. Peut-être ça c'est autre chose. Peut-être c'est dans il veut connaître, il veut créer un trouble entre vous pour que tu te sépares de lui maintenant quand il te prend. Peut-être que c'était par rapport aussi à ça. Mmh. Maintenant, on va passer au tatami pour la délivrance, d'accord? Allons-y dans les dents. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Mmh. Donc, si quelqu'un écoute ton témoignage, qu'est-ce que tu lui dis? Mmh. Si quelqu'un écoute ton témoignage, qu'est-ce que tu lui dis comme conseil pour le marabout et autres, par rapport à la vie facile et autres? Le seul conseil que moi, je peux donner à ces gens-là, c'est... de laisser, d'éviter la case de ce monde parce que c'est un monde très compliqué. Mmh. Quand tu pars là-bas, il faut savoir ne pars pas seulement pour partir. Mmh. Ne pars pas seulement parce que tu vois les gens, ils partent. Mmh. Mais en partant, il faut t'attendre à tout. Mmh. Il faut t'attendre comme les conséquences. Mm-hmm. Mm-hmm. Parce que ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Et même si ça marche, est-ce que c'est la voix de Dieu là-bas? Ce n'est pas la voix de Dieu, mais moi je ne sais pas. Ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu. Moi, selon moi, ce n'est pas la voix. Mais pourtant là-bas, il parle de Dieu. Tu as dit qu'il te dit de lire la Bible, ainsi de suite. Il parle de lui. Ils ont tout. Tu vois, chapelet, image, tout. Mais moi, quand je regarde ça, ce mm-hmm. n'est pas la voix de Dieu. Mm-hmm. Donc, il utilise Dieu avec toutes ces images des catholiques là-bas pour tromper. Toutes ces images pour manipuler le cerveau des gens. Mm-hmm. Donc, que le Seigneur te bénisse. On y va.